Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 19 avril 2018. Voici les grands titres de cette édition. 8 personnes, des hommes et des jeunes garçons, ont été appréhendés par la police ce mercredi sur les collines Nyawunyegeri, Rubirizi, de la commune Moutimbouzi, avec deux fusils Kalachnikov et leur chargeur garni. Nous aurons les précisions de Pierre Mourikiye. C'est le porte-parole du ministère de la Sécurité. Dès le début de ce journal. Et tous les mendiants, adultes ou mineurs, ont jusqu'à ce jeudi soir pour avoir quitté les rues. Faute de quoi, ils se verront punis. Vous aurez les détails dans un communiqué du ministère de l'Intérieur sorti à cet effet. Et l'Association burundaise pour la reconstruction de l'Afrique demande au ministère de l'Intérieur de surseoir à sa demande aux associations. Il leur demande de leur identification, la gestion de leurs fonds et leur provenance. Et dans la chronique judiciaire, vous aurez des précisions sur les procédures en matière d'action récursoire. C'est notamment en matière de défense des intérêts de l'État, la juridiction compétente qui est la Cour administrative, ainsi que les indemnisations des victimes. Voilà pour le sommaire. Ce journal est mis en note par Eric Ouiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, 8 personnes, toutes de sexe masculin, ont été arrêtées ce mercredi par la police lors d'une fouille perquisition en commune Moutimbouzi de la province Bujumbura. Elles sont accusées de perturber le référendum prochain par des armes. Pierre Mourikiye, porte-parole du ministère burundais de la Sécurité publique, précise en outre que les enquêtes sont en cours et préciseront si ces 8 personnes ont en lien avec certains politiciens. Il met en garde ces personnes arrêtées et toutes les personnes pour quiconque tentera de perturber ce référendum. Suivez Pierre Mourikiye. Les forces de sécurité ont mené une fouille perquisition dans les localités de Nyawunyegeri et Rubirizi, dans la commune de Moutimbouzi à Bujumbura, appelée communément Bujumbura rural. Et ils ont appréhendé une personne qui s'appelle Bouchoumi Jean, qui détenait deux armes, deux fusils de type Kalachnikov et des munitions. Et puis l'enquête a poursuivi son cours immédiatement et on est arrivé à l'arrestation d'autres personnes. Donc au total, ils sont au nombre de 8 et ils avaient un même projet. Leur objectif, c'était de perturber le référendum prochain par usage des armes à feu. Maintenant, l'enquête va se poursuivre pour mieux savoir d'où est-ce qu'ils ont tiré toutes ces armes et comment ils allaient opérer pour pouvoir perturber ce référendum et surtout qui sont derrière ce mouvement criminel qui allait voir le jour. Y voyez-vous un certain lien entre ces 8 personnes et certains politiciens comme on a l'habitude de le voir à l'approche des élections? Trop tôt pour le confirmer. L'enquête est au début et on finira par savoir. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a certains politiciens qui ont déjà, à travers les médias, qui ont déjà manifesté cette intention-là de perturber le référendum prochain par tous les moyens, y compris même les armes. Il pourrait être cela, mais avant la fin des enquêtes, on ne pourrait pas le confirmer pour le moment. Un grand avertissement à toute personne qui aurait cette intention de perturber la sécurité dans le pays et surtout le prochain référendum, eh bien les forces de sécurité sont là pour pouvoir sécuriser ce processus et appréhender toute personne qui tentera de l'entraver par une action quelconque. C'était Pierre Mourikiye, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, dont les propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Je vous l'avais dit dans les titres, les mendiants sont sommés de quitter les rues au plus tard ce jeudi 19 avril 2018 et c'est le contenu d'un communiqué sorti par le ministère de l'Intérieur. Ce ministère demande aux enfants de la rue et aux adultes mendiants de regagner leur ménage et prévient que des mesures seront prises à l'endroit de ceux qui ne respecteront pas cette décision. Ali Dandaïkeza nous a lu ce communiqué. Voici son compte rendu. Ce communiqué est du 17 avril 2018. Le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec celui de la Solidarité ainsi que celui de la Sécurité publique, appelle les mendiants à quitter les rues au plus tard le 19 avril 2018. Ces ministères indiquent que cette activité est faite en se référant à la loi du 27 décembre 2017 réprimant la mendicité. Cet ultimatum est donné à toute personne se trouvant dans cette situation, que ce soit les enfants, les adultes, voire les personnes vivant avec un handicap. Dans ce même communiqué, ces ministères demandent aux administratifs de la base au sommet de commencer à se préparer à accueillir ces personnes qui seront sorties des rues pour rejoindre leurs familles. Ces déclarations précisent également que des mesures seront prises à l'endroit des personnes qui n'auront pas quitté les rues au 19 avril. Ce communiqué a été signé par le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique, Pascal Balandaguié. Alida Ndaïkeza. Parlons maintenant éducation. Certains enseignants qui ont fait le second cycle aux universités publiques du Burundi réclament la réintégration au travail après leur demande de mise en disponibilité pour compléter leurs études universitaires. Cependant, ils disent s'être vu refuser cette réintégration alors qu'ils en étaient supposés prioritaires comme et demandent au ministère ayant l'éducation en charge et ayant l'éducation dans ses attributions de les rétablir dans leurs droits. Suivez en ces enseignants. Nous avons demandé des mises en disponibilité et nous avons suivi les cours durant 2 ans. Après, nous avons demandé une levée de mise en disponibilité. Et le ministère en charge de l'éducation nous a donné ces levées de mise en disponibilité qui nous mettaient en contact avec les directeurs et provinciaux de l'enseignement. Tout en disant, au cas où il y ait un remplacement ou un engagement nouveau, nous serons prioritaires. Mais ça n'a pas été le cas. Jusque maintenant, nous avons ces lettres, nous nous promenons avec elles. Nous ne voyons pas pourquoi nous ne sommes pas engagés comme les autres. Nous nous sommes entretenus avec quelques autorités du ministère de l'Éducation, mais en vain, parce que les réponses restaient. Vous devez attendre. Mais nous attendons jusque quand? On ne sait pas. Nous demandons un éclaircissement en provenance du ministre de l'Éducation, parce que c'est elle-même qui nous a donné les levées de mise en disponibilité, les lettres de levées de mise en disponibilité. Et c'est elle-même qui écrit sur des lettres qu'il donne comme quota. Notez bien, ceux qui sont en position de mise en disponibilité ne sont pas concernés. Mais nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas concernés. Alors nous voulons qu'elle nous donne des éclaircissements s'ils sont notés bien. Voilà, c'était un de ces enseignants qui demande la réintégration. Interrogé à ce sujet, le porte-parole du ministère de l'Éducation nous a indiqué que les recrutements se font désormais au sein de la Commission nationale de recrutement. Il est 13h01 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. L'Association burundaise pour la reconstruction de l'Afrique, ABA en sigle, dit avoir mal accueilli la décision prise par le ministère de l'Intérieur, demandant aux associations œuvrant au Burundi de donner leurs identifications et de montrer la gestion de fonds et de montrer leur provenance. Le représentant légal de cette association, Jean Bosco Ndereimana, dit qu'ils n'ont pas été consultés avant la sortie de cette décision. Il demande au ministre de sursoir à cette mesure. On l'écoute. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi sur les ASBL, une loi qui date de l'année dernière, c'est-à-dire que c'est une nouvelle loi. Et pendant son élaboration, les ASBL ont été concertés, puis une commission ad hoc a été mise en place pour la confection, puis l'adoption par l'Assemblée nationale de cette loi. Alors, pourquoi alors les nouvelles demandes, exigences au niveau des provinces? Ce sont des ordres adressé au gouverneur qui ne figure pas dans la nouvelle loi régissant les ASBL. Ces lois viennent compromettre nos bonnes relations qui existaient entre nous et les gouverneurs des provinces avec lesquels nous travaillons en parfaite collaboration auparavant. Est-ce que n'est-il pas normal que le gouvernement cherche à savoir comment les ASBL fonctionnent? Oui, c'est normal, mais c'est au niveau représentation des ASBL. C'est-à-dire que dans la nouvelle loi, tout est créé comment on va collaborer entre le ministère ou d'autres ministères sur le terrain ou bien au niveau national. Alors, si le ministère veut que devons tout donner au niveau des provinces, il faut qu'il appelle les représentants légaux pour s'asseoir ensemble afin de discuter sur les nouvelles exigences. Nous demandons au ministre de l'Intérieur de retirer ce formulaire, ces lois non consensuelles, afin d'en discuter au niveau national dans une réunion. Voilà, c'était le représentant légal de l'Association burundaise pour la reconstruction de l'Afrique, ABA. Le parti UPRONA estime que c'est le professionnalisme qui devra guider ceux qui vont appliquer le nouveau code de procédure pénale dont le projet a été adopté ce mercredi par l'Assemblée nationale. C'est le propos du président du parti UPRONA quant aux prérogatives supplémentaires que va accorder ce nouveau code aux policiers et au ministère public. Abel Gachatzi leur conseille de toujours compter sur le principe de présomption d'innocence. Suivez. Bien sûr, ce projet doit susciter des remous, d'autant plus que notre pays, c'est un pays qui vient de sortir de la crise. Les esprits des uns des autres n'étant pas apaisés, des gens doivent se poser des questions Mais concernant le terrorisme, il y a le terrorisme qui s'installe en Afrique. On voit même ailleurs en France, et les fouilles nocturnes existent. Mais ce qui est important pour l'IPRONA, c'est que les gens qui font ces fouilles soient caractérisés par le professionnalisme. Et de là, la population burundaise sera rassurée. Il ne faut pas que le présumé coupable soit traité comme un criminel. Il faut qu'il soit traité comme quelqu'un avec qui la culpabilité n'est pas encore établie. Donc, il faut que quand même les institutions de l'État, la police, la magistrature, quand même, doivent comprendre que ces institutions sont au service de la nation. Donc, si ces gens exercent convenablement leur métier, je pense que la population, quand même, doit avoir confiance en eux. C'est pourquoi que le code est là, mais les gens qui vont mettre en application ce code, les gens qui vont exécuter ce code, il faut quand même qu'ils le fassent avec du professionnalisme. Dans ce cas, des inquiétudes des uns des autres n'auront pas lieu. Abel Gachassi, c'est le président du parti UPRONA. Pour le parti Sawani Afro-Debout, c'est la désolation totale. Quand le projet de loi soit adopté, l'honorable Sylvestre Wikorindagara, membre du comité exécutif de ce parti, dit que les fouilles nocturnes constituent une violation des droits fondamentaux de l'homme. Il demande au Sénat de ne pas approuver ce texte tel qu'il est. Et comme la Constitution le dit en son article 28, toute femme, tout homme a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles. Alors, donc comme je disais, nous avions espéré que cette loi a été abandonnée. Et voilà que ça ressurgit. Et curieusement, on justifie ça par l'existence d'un terrorisme. Mais s'il s'agit d'un terrorisme, mais écoutez, le mieux c'est qu'on décrète l'état d'urgence ou l'état d'exception. Et comme ça, on peut émettre des lois plus contraignantes. Et donc, il faut avec l'état d'exception. Mais en aucun cas, de ces mesures trop exceptionnelles qui enfreignent les droits fondamentaux du citoyen soient converties en une loi ordinaire. Mais il y a plusieurs dangers, plusieurs dérapages, et je suis certain qu'il y en aura. Il suffira que quelqu'un qui ne vous aime pas du tout parce que vous n'êtes pas de son idéologie, ben il vous dit ça, je crois que c'est un terroriste. Mais quelqu'un va venir la nuit, il dit donne-moi ton portable, ton téléphone, ton ordinateur, mais il va prendre tout ce qu'il veut parce qu'il va fouiller. Il pourra même prendre votre argent. Bon, justement, si vraiment il comprenne, comme il avait compris l'année passée, moi je demanderais qu'à l'étape où ça se trouve, parce que le projet va aller absolument devant le Sénat, je demanderai au sénateur qu'il soit conseillé, qu'il soit courageux, s'il vous plaît, d'arrêter ce projet de loi, de l'arrêter pour le bien de la nation, pour le bien de la population et pour le bien d'eux-mêmes, parce que demain ça va se retourner contre eux. Honorable Sylvestre Wikorindagara, ces propos ont été recueillis par Aubin Niyonguru. Le 1er septembre de cette année reste la date butoir au-delà de laquelle la divagation du bétail ne sera plus permise en province Rumonge. Le gouverneur de Rumonge, Juvenal Bigirimana, l'a déclaré ce mardi lors d'une réunion de sécurité réagissant à la demande de certains éleveurs qui voudraient la prolongation de ce délai. Nous appelons notre correspondant à Rumonge, Jean-Pierre Misago. Une période de moins de 5 mois a été accordée aux éleveurs de Rumonge pour avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin de pratiquer l'élevage intensif. Pour Béatrice Chimilimana, éleveur de vaches à Gachacha, cette période est insuffisante, notamment quand il s'agit de vendre un veau qui naît actuellement et si on veut réaliser un quelconque bénéfice. Elle demande que cette période soit prolongée. Juvenal Bigirimana, gouverneur de Rumonge, qui animait une réunion de sécurité sur cette colline ce mardi, n'y va pas par quatre chemins. Il indique que cette période est amplement suffisante et que si l'on veut considérer chaque cas, cette mesure n'entrerait jamais en application car à chaque période, il y a toujours des naissances dans le bétail. Cette mesure a été décidée ce 12 avril courant pour des raisons sécuritaires et de préservation de l'environnement telle que signée à cette date par le gouverneur de Rumonge. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Toujours en actualité nationale, la route mène vers le marché de Kinama en passant entre les quartiers Bouanza et Gitega de la zone urbaine de Kinama, commune Nahangwa, est menacée par l'érosion qui risque de couper la route en deux au niveau du groupe scolaire Saint-Jacques. La population qui exerce différentes activités sur ce tronçon affirme que des accidents sont régulièrement rapportés à cet endroit et craint la paralysie totale de leurs activités. Ces habitants interpellent l'autorité compétente pour une action urgente. Charles Makoto s'est rendu sur les lieux. Voici son reportage. La partie la plus menacée est située à 50 mètres de l'église Pentecôte d'Okinama, tout près du groupe scolaire Saint-Jacques, où le moellon et les bornes de protection se sont déjà écroulés. Au fond de cette canalisation, si rien n'est fait pour protéger cet endroit, le mur de l'une des classes de cette école risque de s'écrouler. Et le lieu communément connu sous l'appellation de main d'œuvre, un homme qui détient une décortiqueuse à la 12e avenue à moins de 10 mètres de cet endroit, fait savoir que les accidents sont fréquents à cet endroit et pour les piétons, les bicyclettes et les véhicules. Si ce tronçon, impossible pour des véhicules de se laisser le passage en cas de croisement, un conducteur de bus rencontré sur cette place nous a fait savoir que les accidents entre les véhicules et les bicyclettes, motocyclistes, voire même les piétons, sont inévitables car ils se disputent la petite portion de la route comme passage. La demande est unique pour tous ceux qui fréquentent cette route. La réhabilitation de cet endroit, sous peine de voir les activités tourner au ralenti, non loin de là, entre la 9e et la 10e avenue, se trouve un trou qui a déjà entamé la partie réservée aux piétons. Les habitants de ces avenues demandent des travaux d'urgence avant sa dégradation au même point que la partie proche de l'église de Pentecôte. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez en RDC, au Zimbabwe et partout ailleurs dans le monde. En République démocratique du Congo, le président de la FECOF, la Fédération congolaise de football, le Constant Omari, a été relâché dans la soirée du mercredi 18 avril après avoir passé une journée en garde à vue. Mais il a à nouveau rendez-vous devant les magistrats ce jeudi. Tout comme trois autres responsables sportifs, il était entendu par la justice pour une affaire de présumé détournement de fonds publics. Ces quatre dirigeants sportifs sont soupçonnés d'avoir détourné $1 million. Et au Zimbabwe, plus de 10 000 infirmières ont été licenciées. Les infirmières réclamaient le paiement de leurs indemnités et protestaient contre la mise en place d'une nouvelle grille salariale qu'elles estiment discriminatoire. Après un préavis déposé au ministère de la Santé, elles avaient entamé une grève. Bref, le renvoi des infirmières a été annoncé par le général Constantino Chiwenga, le vice-président du pays qui a expliqué à la presse que l'argent réclamé par les grévistes a été débloqué. Les infirmières ont été par conséquent sanctionnées pour n'avoir pas repris le travail. Place maintenant à la chronique judiciaire. Radio Isanganiro, chronique. La défense des intérêts de l'État incombe à ses avocats contre les mandataires ou préposés mandataires de l'État ou d'une commune ayant commis une faute engageant ces institutions. Le président du Centre de formation professionnelle de la justice, qui le rappelle, précise que l'affaire est mise devant la cour administrative. Edouard Minani considère qu'une telle instance intervient principalement après le dédommagement des victimes de la faute qui aurait été commise par ces mandataires ou préposés. Tous les éclairages sur l'action récursoire ont été donnés par Edouard Minani au micro d'Alain Désiré Boukeneza qui nous donne cette chronique. Nous avons parlé dans la précédente chronique de l'action en justice, dite action récursoire, dirigée contre un mandataire ou préposé de l'État ou d'une commune qui commet une faute engageant ses institutions. La loi irrelative de 2014 précise que cette action succède surtout à celle d'un citoyen ayant obtenu gain de cause pour le dédommagement de ses préjudices. Les précisions sont du président du Centre de formation professionnelle de la justice. Le tiers qui est lésé par la faute du préposé du mandataire agit contre le mandataire directement. Mais comme l'État est là, l'État intervient pour couvrir son mandataire dans un premier temps. Et l'État dédommage le tiers lésé par le versement d'une certaine somme. L'État se retourne contre son mandataire ou son préposé pour que la somme déboursée lui soit remboursée. Les intérêts de l'État sont défendus par ses avocats du service des affaires juridiques et du contentieux. Après une requête introduite par le ministre de la Justice, saisie par les représentants des communes ou institutions étatiques,